Bonjour à tous, nous allons passer une petite heure aujourd'hui avec Stéphane Brett, qui nous vient tout droit du Grand Sud, de Cagnes-sur-Mer précisément, et qu'on pourrait surnommer le trailer qui valait 3 milliards. Alors les jeunes n'auront sans doute pas cette référence, mais en tout cas, il est vrai que Steve Austin, qui héberge dans son corps des membres bioniques, eh bien, pourrait ressembler un petit peu à Stéphane. Alors ça ne le fait pas courir aussi vite que les voitures. Ça ne produit pas des bruits bizarres lorsqu'il se déplace, mais ça lui permet tout simplement de courir, chose qui était devenue impossible il y a quelques années seulement. Bonjour Stéphane, comment Bonjour, vas-tu? ça va. La reprise est tranquille pour le moment, mais ça va, je reprends doucement et Alors le. doucement, si on peut dire, Ouais. je pourrais te demander, c'est est-ce que tu t'es réchauffé? Parce que là, tu nous viens tout droit du Grand Nord, de Suède, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ça fait un petit moment qu'avec ma coach, on a cet objectif, en fait. Enfin, l'objectif, c'est surtout faire l'ultra dans le grand. En or, on avait visé le Yukon. Et puis, comme le Yukon, leur gars a fait la même course en Laponie, c'est beaucoup plus pratique pour les Européens. Du coup, on a basculé sur cette course-là. Et moi, j'étais stoppé, bah, comme tu l'as dit, par des problèmes physiques. Mais une fois, ça semble pour le moment résolu. Et du coup, j'ai rattaqué à réessayer de reprendre les rênes pour. Les rênes justement, pour refaire cette course, pour mettre cette course dans mon calendrier de course sympathique à faire, quoi. D'accord. Écoute, est-ce que pour contextualiser un petit peu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es dans la vie, ce que tu fais, ton mode de vie, ton âge plus ou moins, le coin où tu vis, tout ça? Ça marche. Bah, du coup, j'ai 40 9 ans, je vais avoir 49 ans dans quelques mois. Et j'ai toujours fait du sport depuis très petit. J'ai toujours, toujours, toujours fait du sport. J'ai eu un petit arrêt de 3-4 ans pendant les études parce que j'avais passé plus de temps à faire la bringue qu'à penser au sport. Pendant cette période, j'ai pris énormément de kilos. Je suis monté autour de 120 kilos. Et petit à petit, donc en reprenant. En prenant le boulot avec des collègues, je me suis mis à faire du squash, beaucoup de squash par exemple. C'est un de mes sports que j'ai fait le plus pendant ma début de carrière. Je fais beaucoup, beaucoup de squash. Bon, je faisais 120 kilos, donc il y a peut-être des pistes sur ce qui m'est arrivé plus tard. Et du coup, après, bon, je suis marié, j'ai deux enfants, deux grands-enfants maintenant. Qui ont 19 et 23 bientôt. Donc, ils sont très autonomes. Et du coup, je suis lyonnais de base. J'ai déménagé dans le sud de la France pour des missions d'informatique. J'étais en SS2I en informatique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de missions différentes au début de ma carrière. J'ai fait, bah, je sais pas, pour ceux qui connaissent, de l'Oracle, du Linux, du Windows, de l'Excel. Et en descendant dans le sud, j'ai plus fait du web serve, donc tout ce qui est web application. Donc c'était un peu l'air du temps. Petit à petit, j'ai basculé sur la sécurité, la cybersécurité. Et là maintenant, je fais partie d'une équipe qui s'appelle une équipe SOC de protection de ma société, de tout ce qui est cybersécurité. Donc, beaucoup de. On gère toutes les alertes d'intrusion, etc. quoi. Voilà. De ce D'accord. côté-là, côté Ta vie professionnelle transpire le fun. taf. Ah, c'est rigolo. Et surtout en ce moment, on est Oui. comme beaucoup. Enfin, on est en cyberguerre depuis au moins 3 ans. Et bon, là, ça s'amplifie un petit peu. Mais bon, ça, c'est autre chose. On va pas. Ça n'a rien à voir. En effet, et donc, ok, sportif depuis toujours, tu as eu cette période alors qu'il n'était pas du tout du sport d'endurance, le squash, enfin, même si ça Non. nécessite quand même une certaine endurance pour tenir 1 heure dans ces cages de verre à taper comme un sourd dans une balle dans tous les sens. C'est ça, mon cardio passait de... Du coup, j'ai un cardio qui monte très haut et qui peut descendre très bas. Et qui est très bas quand je suis très entraîné, il est très très bas. Je suis à autour de 35 pulsations par minute au repos. Pas Quand mal. je suis entraîné, là je suis un peu moins entraîné, je suis à 45. Ah, mais c'est vachement utile d'avoir une très forte amplitude comme ça Ouais. cardiaque, c'est chouette. Ouais. C'est pratique. Ouais. Et la course à pied, alors tu t'y es mis réellement quand à peu près? Et ben la course à pied, je m'y suis mis il y a 10 ans, 11 ans, ouais, 38, 39. En fait, quand je suis arrivé dans le sud, j'ai fait connaissance de collègues qui sont devenus des amis très proches et qui m'ont remis au VTT. Autour de 17 ans, je faisais du VTT avec des vieux à l'époque, ils avaient 35 ans, et on faisait des bonnes sorties VTT. Et j'avais arrêté parce que bon, l'école, le boulot, tout ça. Et c'est un de mes sports que je préfère, c'est le VTT, c'est vraiment un de mes sports préférés. Et du coup, dans les Alpes-Maritimes, il y a de très jolis beaux spots. Et du coup, bah, on a repris le VTT avec mes collègues. Mais bah, je faisais encore 100, 110, 105, 110 kilos. Et du coup, je n'arrivais pas trop à les suivre. J'étais toujours à la traîne, à la ramasse. Surtout qu'ils roulaient vraiment depuis de nombreuses années. Et du coup, j'étais souvent à la ramasse, ce qui fait que pour réussir à les suivre, je me suis mis à courir, mais autour de chez moi. C'était plus pratique de prendre les baskets et d'aller courir, surtout sur le bord de mer, au lever du soleil, au coucher du soleil, c'est assez sympa. Et je me suis mis à courir comme ça, une fois, deux fois, trois fois. Bah, je me suis pris au jeu. Du coup, je me suis retrouvé à faire des. Je faisais du vélo, je faisais de la course à pied, je me suis mis à nager. La mer est à côté, c'est pratique. Et à faire des petits triathlons. Je suis monté jusqu'au L quand même. Mais j'ai fait des petits triathlons parce que je trouvais ça fun, c'était rigolo. J'ai jamais eu de. Je suis pas très compétiteur dans l'âme, en fait. C'est plus un dépassement de moi-même. Et du coup, je me suis mis à faire du trail petit à petit parce que j'ai des problèmes d'arthrose au cervical. Au début, j'ai des problèmes d'arthrose cervicale. Et la position sur le vélo me fait qu'au bout de quelques kilomètres maintenant, bah, ça se coince en fait complètement. Et du coup, j'ai arrêté le VTT. Mais j'avais le manque du sport nature, en fait. Le vélo sur les routes et tout ça, j'aime pas trop. Et à l'époque, il n'y avait pas tant de trail que ça. Et c'est un pote qui m'a montré ça. Et du coup, j'ai retrouvé l'esprit VTT, en fait, l'esprit de se balader en montagne, à faire plus de kilomètres qu'en marche, et de voir du coup découvrir plus de paysages et tout ça. Et on a des spots qui sont vraiment extraordinaires chez nous. Très techniques, mais vraiment très sympas. En effet, eh bien, super, on a fait un petit peu une vision d'ensemble de ta pratique sportive. Et donc, allons directement au sujet de cette discussion, sujet principal, la double opération dont tu as été sujet. Donc, aujourd'hui, tu portes deux prothèses de hanche. Est-ce que tu leur as donné un nom, tiens? Non, c'est vrai, j'ai pas pensé. Non, Ouais. c'est pas bête en fait. Oui, j'y pense. Nous avons un ami avec ma femme, n'est-ce pas, qui porte une double prothèse de hanche depuis un moment. Il les a nommés Igor et Grishka. Excellent. Ça fait combien de temps que tu as été opéré là? Eh ben, j'ai été opéré en juin et en juillet l'année dernière, 2024. Donc, ça fait 7, 8. 8-9 mois, un truc comme ça, enfin, suivant les deux. J'ai repris, donc j'ai passé 4 mois pendant l'été à être à bloqué complètement à la maison. Les opérations, ça se passe assez vite. On est debout le lendemain. Le lendemain, on est debout. Et au bout d'un mois, 3 semaines, bah, j'avais plus qu'une béquille. Même plus de béquilles du tout. En fait, au bout d'une semaine, j'avais plus qu'une béquille. Après 3 semaines, plus que zéro béquille, je marchais à peu près normalement, à peu près. Hein. Et là, j'aurais pu commencer à refaire un peu de vélo, des trucs comme ça. Mais bon, comme j'avais la deuxième à la suite, je suis resté un peu off pendant ces 4 mois. C'est une préconisation dans tous les cas de faire les deux s'y rapprocher à un mois d'écart. Eh ben, en tout cas, il voulait mon chirurgien ne voulait pas faire les deux en même temps. Moi, je lui ai demandé, je fais les deux en même temps, comme ça, je suis débarrassé. Mais le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué. Il faut aller en institut et tout ça. Et après, attendre plus longtemps, il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Au bout, faut pas faire trop près parce que du coup, on est très handicapé quand même les premiers jours. Mais au bout d'un mois, on peut marcher pratiquement normalement, ce qui fait que la deuxième peut être faite à la suite. Ok, et si on revient un petit peu en amont, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cheminement qui t'a conduit à cette double opération, en fait, que quand est-ce que les premiers problèmes se sont déclarés, que tu as commencé à sentir que ça sentait le gaz? Eh ben, c'est assez bizarre, c'est que ça m'est arrivé vraiment d'un coup. Donc pour côté sport, côté trail et tout ça, donc j'ai fait ensuite un apéro avec mon voisin Philippe que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps. Je me suis inscrit au marathon des sables pour mes 40 ans. Donc ça va faire presque 10 ans maintenant. Et c'est comme ça que je me suis mis à l'ultra. Avant, je faisais des petites distances de 10, 15, 20 maximum. Et encore, je crois que j'ai commencé à m'entraîner pour le marathon des sables, parce qu'avant, je faisais 8 ou 10. Et du coup, quand j'ai fait le marathon des sables, j'étais suffisamment entraîné pour le faire, pas pour performer, mais vraiment pour le finir. Et c'était vraiment un événement extraordinaire. Et du coup, comme j'étais beaucoup entraîné, je suis resté dans le chemin, en fait, pour faire d'autres grandes distances. Donc après, à la suite, j'ai fait des 100, des 80, des 100, des 110, 120, etc. Et mon but, il y a 5 ans, donc en 2019, j'étais inscrit pour le Grand Trail de Serre-Ponçon, le 180 et sur 10 000, un peu un UTMB, mais du coup, c'était à l'époque, en tout cas, c'était beaucoup plus restreint, il y avait moins de monde. Je préfère, et puis c'est beaucoup plus technique, a priori. Et du coup, bon, en 2019, c'était pour 2020, pardon, parce que 2019, j'aurais pu le faire. 2020, du coup, la pandémie et tout ça, donc ça me retrouvait bien, bien bloqué jusqu'en 2021, 22, 20, ouais, 22, où du coup, j'ai repris, je m'étais réinscrit, on avait tout un tas d'échanges avec l'orga, on s'est planté une fois, enfin bon. Et du coup, j'ai relancé l'entraînement pour faire ce 190. Et en 2021, ouais. Et du coup, l'entraînement s'est bien passé tout le début d'année et tout ça. En août de 2021, juste avant le trail et en septembre. Donc en juillet, j'avais un l'UTCAM. C'est une course vers chez nous qui part de Saint-Martin et qui descend, non, qui part de Nice et qui montait à Saint-Martin de Vésubie. Donc là, c'est à 180, mais je m'étais inscrit au 75 pour l'entraînement du cran. Et je l'ai fait, j'ai mis 19 h, ça s'est super bien passé, aucune douleur, tout, le cardio nickel, j'étais vraiment bien. Et du coup, bon, ma coach me dit pendant 15 jours, on s'arrête, on ralentit et tout ça. Donc je m'arrête pendant 15 jours. Et puis quand j'ai repris 15 jours après, je sentais que j'avais du mal à lever les jambes autour du 20, 20e, 25e kilomètre. Comme si mes muscles se contractaient tout autour. C'était une sensation assez bizarre. Donc j'ai fait plusieurs entraînements comme ça où, ça bloquait, ça bloquait. Plus je courais, plus ça bloquait en taux en kilomètres. J'ai passé de 25 à 20, à 15, à 10, à 6. J'arrive même plus. On a un petit tour autour du boulot qu'on appelle le lapin parce que sur la trace Strava, ça ressemble à un petit lapin. Et je le faisais, mais je boitais beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à consulter, voir des docs par rapport à ça parce qu'au début, j'avais pas vraiment. C'était pas une douleur. Tous ceux que j'avais entendu parler d'arthrose de hanche, ils avaient mal en fait. Moi, c'était vraiment d'un blocage. Je ressentais pas vraiment la douleur au enfin, des pointes d'électricité, quoi, par exemple. Que c'est à peu près le même symptôme dans mes cervicales où ça se bloque. Ça me fait pas si mal que ça, mais ça se bloque. Bon, du coup, je suis allé voir un médecin du sport qui pense à mon âge. Il disait non, mais c'est pas grand-chose. On va faire des examens, des IRM, des trucs comme ça. Et on s'est rendu compte que j'avais de l'arthrose. Donc en fait, le mal est arrivé, mais très brutalement. J'ai fait quand même la. Je me suis, comme j'étais inscrit sur le trail de Serre-Ponçon, je suis quand même parti sur le trail au départ. Oui. Et ben en fait, ça allait à peu près. Et d'un coup, au 50e quand même, mais 50e, ça s'est. Ben, je me suis retrouvé comme un papy. J'avais mes bâtons de trail. Je me suis retrouvé tout courbé. J'arrivais plus à lever les jambes, mais pas plus de 2 cm, quoi. C'était vraiment impressionnant. Et j'ai dû abandonner parce que ça ne servait à rien. Je pouvais vraiment plus bouger. Et à partir de là, ben, c'était vraiment très, très coincé, quoi. Et alors le parcours après côté médical, c'était un peu long parce que du coup j'ai vu le médecin du sport qui me disait bah, faut forcer un peu dessus pour éviter que ça bloque parce que l'arthrose, moins on en fait, plus ça se bloque. Oui. Bah, à un moment où je pouvais même plus marcher, je pouvais même plus faire 100 mètres de marche, quoi. Ouais, et puis tu prenais, j'imagine, des médocs, des antidouleurs, des trucs comme ça, anti-inflammatoires. Bah, j'ai évité le plus possible, je prenais pas grand-chose en fait, parce que bon, j'aime pas prendre les substances chimiques, on va Ouais. dire. Mais oui, il y a un moment où je tenais plus beaucoup, je dormais plus. Même ouais, dès que je me mettais en dormant sur la droite, ça me faisait mal à droite. Mais comme j'ai les deux, bah, je me mettais à gauche, ça me faisait mal à gauche aussi. Et du coup, bon, je suis allé voir le chirurgien, il m'a dit, bon, bah, va falloir opérer un moment. Mais avant, il y a tout un protocole. Avant l'opération, il y a tout un protocole d'infiltration, d'acide hyaluronique, comment s'appelle l'autre truc qu'ils m'ont fait là? Enfin, bon, il y a tout un protocole avant l'opération. Ouais, ils essayent Et de avec des. repousser, ils essayent de repousser, si on peut dire, enfin en tout cas de tester d'autres solutions avant d'opérer. Ouais, c'est ça. Ils essaient de repousser le plus possible suivant l'âge et suivant la morphologie aussi et tout ça. Mais le chirurgien est assez pragmatique maintenant, avec les nouvelles prothèses en tout cas. Il y va beaucoup plus tôt qu'il y a quelques années. Là, moi, il m'a dit, bon, j'y suis allé en mai, je crois, l'année dernière. Et vu les dernières radios, il m'a dit, bon, là, ça touche tout le temps. Faut se faire opérer quoi. Faut l'opération et du coup il m'a demandé quand. Je lui ai dit ben lundi. Et il m'a dit non, faut un peu préparer. Ça sera dans un mois. Bon ben ok dans un mois alors. Et puis après ben, c'est assez. Moi j'ai pas trop réfléchi en fait parce que j'étais vraiment handicapé. Handicapé c'est vraiment le terme. Hein. J'étais le plus gênant. C'est con mais c'est d'aller faire la grosse commission par exemple. Je pouvais déjà pour m'asseoir, c'est compliqué. Et impossible d'écarter les cuisses plus de 3-4 cm. Donc, bon, je te fais pas de dessin, mais c'était assez compliqué. Pour rentrer dans la voiture, pour. Voilà. C'était vraiment. J'étais bloqué, bloqué. Bah, tu avais vu déjà, quand on s'était croisé au Marathon des Sables, tu voyais comment je descendais des 4x4. C'était déjà. Et après, un an après, c'était vraiment très, très marqué, quoi. Ok. Donc si on résume les facteurs, c'est bah déjà un côté génétique avec l'arthrose Ouais. qui gangrène, qui bouffe les articulations. Peut-être effectivement ce poids excessif dans le passé qui a un petit peu tabassé les articulations. Et puis peut-être aussi cette absence de progressivité d'après le parcours que tu nous décris, où tu es passé de petites courses à des trucs vraiment très costauds sans forcément respecter des paliers, si on peut dire, ou une adaptation au fil des années. Bah, d'après le chirurgien, c'est vraiment plus lié à la génétique. Il a Ok. des patients sportifs qui sont plus lourds, qui font aussi du sport violent et qui, bon, qui n'ont pas de soucis particuliers. Après, je pense que c'est une combinaison d'un peu tout ça. Et quand tu disais les premiers symptômes que j'ai ressentis, Après l'opération, au vu des symptômes que je ressentais violemment, j'ai eu des réflexions sur les petits indices que j'ai eus dans ma vie. Et je parlais du VTT donc en 2006, 2007, 2005, 2006-2007. Je faisais du VTT dans la région et je partais souvent toute la journée en voiture. Donc je partais en voiture avec le VTT pour faire des grosses randos VTT. Et quand je rentrais, je n'arrivais pas à sortir de la voiture. Comme récemment, mais ça durait, je sais pas, 10, 20 secondes, tu vois. C'était le temps de sortir, c'était coincé. Et c'était, tiens, c'est bizarre, mais je me disais, bon, j'ai fait 50 bornes de VTT avec 2000 mètres de dénivelé, c'est juste ça. Mais en réfléchissant après, c'était des petits indices comme ça qui m'étaient, qui montraient que j'avais un. Je pense que c'était des prémices, en fait. C'est pas arrivé brutalement. Je l'ai senti brutalement, mais c'est pas arrivé brutalement. Okay. Et donc, juin et juillet de l'année de l'année dernière, L'année pardon, dernière, ouais. ces deux opérations, donc concrètement, quand je vois des photos de ce genre d'opération, je manque de m'évanouir à chaque fois. On te scie une partie d'os et on vient te visser une prothèse qui remplace l'articulation d'origine, quoi. Même pas visser, c'est taper au marteau violemment. Ouais. Et on te fraise la hanche. Donc c'est assez. Moi j'avais regardé des vidéos avant. Moi ça me choque pas trop. Et du coup j'avais vu des vidéos et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est violent. Ouais. À plusieurs façons de faire. Mon chirurgien a fait une façon la plus soft, je pense, par rapport à la reprise. C'est pour ça que j'ai pu reprendre assez vite. C'est qu'il y a deux façons. Il y a une façon où on passe par derrière, donc par la fesse, et là, ils coupent un morceau de muscle, ils coupent le muscle, ils enlèvent, ils font tout leur bordel, et ils referment, et ils recousent le muscle. Et du coup, le muscle, comme il est coupé, c'est très long à revenir, très long à. Les fibres sont très longues même pas se remettre en place, à se refaire. Alors que moi, il est passé par devant. Et devant, ils vont déplacer le fascia latae, ils vont déplacer, mais ils vont juste déplacer les fibres. Ils vont pas les couper. Ce qui fait que ça va être étiré, ça va être comme des gros bleus, en fait. Ça va faire vraiment comme des gros bleus. Et ils vont mettre un petit écarteur. Du coup, les fibres sont pas touchées, sont traumatisées, mais elles sont pas touchées. Et ils vont passer comme ça tout leur matériel. Et c'est impressionnant parce que j'ai une cicatrice qui fait. Ouais, qui fait 10, moins, ouais, 10 cm à peu près. Alors que quand on voit ce qui passe dedans, on dit putain, c'est impressionnant quoi. Très bien, rien que d'évoquer le sujet, là, j'ai des sueurs et des palpitations. Le plus impressionnant, c'est la radio après, une fois que c'est fait, une fois que les deux, même la première, mais une fois que les deux sont faites, on regarde, on fait putain, mais en fait, j'ai du titane quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est ça, c'est du titane, et d'ailleurs, ça a une durée de vie. C'est. Alors, justement, là, c'est les dernières prothèses. Ils n'ont pas trop de recul. Alors, le doc, il me dit, ça dépend des gens, ça dépend, c'est entre 10, 15 ans et à vie. Ça dépend Okay. donc, ils savent pas trop. Et en plus, maintenant, on peut changer la mécanique. Hein. On peut changer jusqu'à 3 ou 4 fois les parties. Donc, c'est en 3 fois. Il y a la partie en titane avec un tout petit cylindre au bout qui est ancré, qui est tapé dans l'os. Il y a une cupule en céramique. Et sur la hanche, ils fraisent et ils mettent une autre cupule un peu plus large en céramique aussi. Et en fait, les trois parties peuvent se changer indépendamment, Ok. suivant l'usure qui peut arriver. Et je vais avoir une surveillance tous les ans, je crois, avec Ok. tous les ans. En tout cas, j'y vais en mois d'août là pour vérifier les 10 000 km. C'est ça, tu as ton petit carnet d'entretien. C'est ça. Donc, tu nous as dit hein, les premiers jours où voilà, c'est difficile, tu marches difficilement, mais très vite, tu es déjà capable de marcher, donc avec une béquille et puis sans béquille au bout de quelques semaines. Ouais, c'est ça. Alors, le premier. Premier mois, ils me disent de ne pas prendre l'escalier, par exemple, parce que si on tombe, ça peut sortir. Mais sinon, oui, rapidement, on peut vite se déplacer. Alors, on va pas faire des marathons, hein. C'est se déplacer dans l'appartement. Mais Ouais. déjà, c'est déjà très, très sympa de pouvoir bouger sans trop de douleur. Ça fait comme si on avait un gros bleu et puis un peu de liquide, un peu si le, comme un genou avec le liquide amniotique qui a un épanchement de synovie. Voilà, ça fait un peu cette sensation de flottement dans les. Mais ça passe quand on bouge pas trop parce qu'on est quand même fatigué et tout ça. Mais ça va assez vite, ouais. C'est impressionnant. Et Ouais, là, là... c'est impressionnant parce que enfin on se suit sur Strava et Facebook et quand même enfin je saurais pas dire les dates, mais très rapidement après tu faisais des sorties à l'extérieur alors on va pas dire rapide, mais en tout cas tu marchais quelques kilomètres sans problème. Ouais, c'est ben le chirurgien, ça étonne tout le monde d'ailleurs, c'est que j'ai pas eu de kiné du tout. J'ai eu que, il m'a dit, ben, il faut marcher, donc faut reprendre comme ça, doucement. Donc au début, ben, je m'étais inscrit à la salle de sport avant pour maintenir un peu la musculature. Je faisais du vélo, comme il n'y avait pas de frottement, enfin, ça me faisait quand même mal à la fin, mais je pouvais quand même utiliser les jambes et continuer à garder la musculature. Et du coup, bah, j'allais petit à petit, je faisais 300 mètres avec les béquilles, et puis petit à petit, je faisais 300, 400 en marchant, comme ça, tout doucement, jusqu'à ce que j'ai plus de béquilles et que je puisse reprendre la voiture. J'ai repris plus vite après sur les vélos de la salle, justement, à rouler tranquille. Remettre en mouvement et que les muscles se remettent en place, surtout. C'est ce que disait le chirurgien. C'est que les muscles, comme ils étaient déplacés, ils avaient pris une mauvaise position déjà pendant des années, puis en plus avec l'opération, il fallait que les fibres se remettent dans le bon sens. Donc il fallait bien faire des mouvements de marche et pas trop sur les côtés, par exemple. Bien rester pour que les Oui, fibres se terrain remettent dans le plat, bon ordre. pas de dévers, pas de Voilà, c'est terrain ça. chaotique, etc. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'ai fait vraiment de la marche et du vélo sans forcer, sans rien. C'était vraiment pour tourner. Et après, je l'ai vu en septembre, le chirurgien. Et en novembre, il m'a dit, ben, vous pouvez commencer à trottiner. Si c'est la douleur qui vous arrêtera, en fait, il m'a dit. C'est Ok. ses propres mots. Alors, je l'ai bien fait répéter deux fois parce qu'il connaissait mon passé d'ultra-trailer. Il voyait que j'ai pas la même relation avec la douleur que certains, je sais pas, mais et du coup il m'a dit non, c'est bon, vous pouvez y aller. Bon, j'ai recommencé à trottiner, à faire mes petits tours sans but, sans entraînement particulier comme je faisais avant, mais juste trottiner autour de la maison, trottiner autour du boulot avec des collègues qui. J'avais changé d'équipe pendant le Covid. Et du coup, mes collègues, je les ai embarqués avec ma reprise. Parce qu'avant, ils me disaient non, on ne vient pas courir avec toi parce que tu es trop fort. Mais je me dis, on s'en fout, on va juste courir ensemble. Non, non, non. Bon. Alors que là, du coup, comme ils me savaient débutant au final, parce que j'ai repart pratiquement de zéro, et du coup, je les ai emmenés avec moi et c'était sympa de les emmener faire des petits tours tranquillou comme ça. Ouais, donc les premières foulées, c'est à peu près 4 mois, 3-4 mois après la seconde opération. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Et j'étais pas rassuré. J'étais vraiment pas rassuré. Hein. J'imagine. C'était assez bizarre comme sensation. Alors on peut pas dire que je ressentais plus rien. C'était très. Les muscles étaient quand même bien endoloris. Il y avait quand même des douleurs qui étaient là, qui étaient suffisamment basses pour que je puisse continuer, mais c'était pas à zéro. C'est toujours pas à zéro, d'ailleurs. Il y a toujours des moments où je sens qu'il y a un petit truc côté, mais c'est que musculaire. Donc, les douleurs musculaires, on sait ce que c'est et on peut s'adapter. Tant que ça dépasse pas un certain seuil, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Et du coup, ma coach, ben, pour me remettre à l'étrier, parce que pendant ces 2 ans et demi de galère de hanche, j'ai repris 20 kilos, je suis remonté à plus de 100. Donc, il fallait que je reprenne doucement aussi par rapport à ça. Et du coup, elle m'a inscrit aux 20 km de Laponie, justement. Quand elle a fait le 50, elle avait fait le 50 l'année dernière, elle voulait faire le 185, mais elle était un peu limite. Et du coup, elle a fait le 20, le 50, et puis on a fait le stage de préparation à la course. C'est pas vraiment. Elle disait stage de survie, mais c'est pas un stage de survie, c'est un stage d'utilisation du matériel pour pouvoir faire le 185 ou le 500 plus tard. Ok. Donc c'était le petit but de pouvoir faire les 20 km. Les 20 km dans la neige, voilà. Donc, Oui, un environnement pour le coup assez instable, ouais. ouais, donc qui Et sollicite puis il y a la poule, fortement les hanches. ouais, il y a la poulka, il y Yeah. a les raquettes. Il y a vraiment, c'est une autre façon de faire de la course. C'est autre chose, c'est différent. Alors ça, c'était l'objectif un petit peu moyen terme pour te faire reprendre, mais il me semble que tu as fait une course, ça m'a vachement étonné, je me suis dit, il a déjà un dossard en fin d'année dernière ou à l'automne, je sais pas, un 10 km, 20 km par chez toi, non? Ouais, il y a la première course. Alors, c'est ce qu'ils disent sur le flyer. La première course de l'année en France, c'est la Prom classique. Donc, c'est Oui. un 10 km sur de Nice. On fait un aller-retour sur la Prom, en fait. Et ouais, je me suis inscrit. Ben, c'était la moitié de la distance de ce que je devais faire en Laponie. Puis, je me suis dit, au pire, je crois que la barrière horaire, c'est 5 heures ou 6 heures. Donc, je le Okay. ferai en marchant et puis ça passera quoi. Et ben, du coup, oui, j'ai pris le dossard, j'ai embarqué mes collègues avec moi et ben, j'étais assez content parce que j'ai pu tenir. J'ai pas tenu les 10 km en courant. Au bout de 8, ça a commencé à se tendre un petit peu, donc j'ai marché quelques centaines de mètres, j'ai fait de la rando-course quoi. Du coup, j'ai marché 100 mètres quand c'était trop tendu. J'ai recouru, j'ai remarché, recouru. Mais j'étais assez content parce que j'ai mis 1h06, je crois, 1h08. Donc c'était assez. Je suis loin de mes performances de quand j'étais entraîné, mais j'étais content d'avoir le dossard à la fin. Tu me connais, j'ai failli verser ma petite larme à la fin, quoi. C'est une, Quand j'ai eu la médaille. ouais, j'imagine, c'est une motivation pour toi, les dossards. Pas forcément l'aspect compétitif, mais en tout cas de, voilà, d'accrocher ce dossard, d'être dans ces événements. Bah, c'est une ambiance que j'aime bien, ouais. Bon, je trouve qu'il y a trop de monde, mais c'est surtout l'arrivée, c'est vraiment le passage de l'arche en fait, qui me donne un petit coup d'adrénaline à chaque fois et qui me manquait depuis, ouais. C'est quoi ton souvenir le plus ému de passage d'Arche? Enfin, j'ai une petite idée à ce sujet, mais... Ah ouais, c'est le marathon des sables, hein. À chaque passage, c'était monstrueux. C'était en 2016, c'est ça? Ouais, 2016, ouais, c'est ça. Et puis j'ai rencontré des gens extraordinaires sur le que j'ai toujours en contact avec eux, pour la plupart en tout cas, pour ceux qui sont. Et ouais, c'est une ambiance, c'est ouais. Le marathon des sables, ça restera toujours. Il y a le step avant et le step après, en fait. Ok, il y a donc ce que disait Patrick Bauer, ce qu'a dit Patrick Bauer, qui n'organise plus l'épreuve depuis l'année dernière. Pendant des années, il y a un avant et un après le Marathon des Sables, c'est vrai hein, pour toi. Ah oui, c'est complètement, c'est clair. Et émotionnellement, et après, même l'envie de faire même sans forcément avoir des dossards en particulier, mais j'ai fait souvent aussi des offs en montagne sur 3-4 jours pour être enfin dans la nature, seul, retrouver je sais pas, cette ambiance. Et là, justement, on en parlait avec ma coach pour le Yukon, enfin Yukon, Lapland. Est-ce qu'elle hésite à faire le 185 ou le 500? Je disais, si tu fais le 500 à la Marathon des Sables en prenant des distances, en dormant les soirs, en faisant en faisant une course par étapes, ça peut passer, quoi. J'ai toujours cette envie de refaire aussi ce genre de truc. Ouais, c'est vrai que ça permet ce genre d'épreuve, ça permet de briser des tabous, si on peut dire, ou en tout cas de repousser un petit peu son état d'esprit et de se dire que certaines choses sont possibles alors qu'avant on les croyait hors de portée. Ouais, c'est ça. On se rend compte que le corps humain est une machine assez impressionnante et assez. Elle fonctionne vraiment bien, quoi. On est plus limité par le cerveau que le physique. Bon, après, les hanches, bon, c'est un cas particulier, mais j'ai pas eu de chance. Et oui, tu peux, on a évoqué ton souvenir le plus ému d'arrivée. Est-ce que tu as en parallèle des souvenirs de moments particulièrement difficiles en course, physiquement, mentalement, tu sais, où on est au fond du trou, alors parfois on arrive à rebondir, parfois pas. Ben, pratiquement tout. J'ai ressenti ça pendant pratiquement toutes mes courses longues, à part la dernière avant mes hanches, là, bon, après, on va pas débattre sur l'ultra ou pas, mais c'est le 75, là, où ça s'était super bien passé, où j'avais pas eu ressenti de particulier, rien de particulier, à part le passage sous l'arche, mais pratiquement toutes les ultras que j'ai fait, il y a toujours eu un moment où j'étais physiquement et mentalement dans le dur et à dire mais qu'est-ce que je fous là et tout ça. Et puis ça repart comme toujours. Donc on sait que ça passe. Et je l'avais ressenti un peu moins fort, mais parce que j'étais accompagné sur le. J'avais fait l'Ultra 01 dans l'Ain, donc vers Oyonnax, à Oyonnax d'ailleurs. Et là, on pouvait avoir des paceurs comme aux États-Unis. Et du coup, j'avais fait la course tout le temps avec quelqu'un, ce qui fait que là, j'avais pas trop ressenti ce baisse de morale, cette envie d'arrêter pratiquement, parce que on est toujours accompagné. Mais toutes les autres courses que j'ai faites, j'étais tout seul. Bon, il y avait ma femme qui m'attendait à la fin, mais elle n'était pas là au moment dur. Et du coup, oui, il y a toujours eu des passages comme ça assez difficiles, mais je pense que tous les ultra-trailers le ressentent. Même Mathieu Blanchard en a parlé sur son Yukon, là justement. Bon, il est obligé d'aller faire des trucs de 500 bornes pour le ressentir, mais nous, on le ressent beaucoup plus bas. Ouais, ceci dit, c'est pas forcément la distance ou la durée qui peut amener cet état d'esprit, c'est plutôt l'intensité avec laquelle tu te mets dans cette épreuve. Moi, par exemple, une des épreuves où j'ai eu le plus mal, c'était un marathon, c'était pas un trail de 100 miles, quoi. Ah bah, de ce côté-là, je te rejoins. J'ai fait le marathon Niskan, je sais plus quelle année, parce que tout le monde me demandait, mais tu fais des ultras, mais tu fais combien en marathon? J'ai jamais fait de marathon, je sais pas. Et puis, et ben, c'est vrai que c'était très dur, mais j'avais trouvé ça dur plutôt physiquement, bah, non, physiquement et mentalement en fait. Pour te donner une idée, c'est donc le Niskan. Moi, j'habite à Cannes-sur-Mer, c'est à 10 km du départ. À 10 km, j'avais envie d'arrêter de rentrer chez moi. Alors que j'avais fait des 100 miles, des 100 km un peu partout. Et au bout de 10 km, j'en avais ras le bol, quoi. Oh. Et c'est vrai que ouais, non, j'aime pas les marathons classiques. Quelle vision tu as à propos du not finish de l'abandon? Est-ce que tu t'en fiches? Il y en a qui sont jusqu'au boutiste, ils vont aller jusqu'à se blesser. Enfin, pour eux, il est hors de question de rendre son dossard. Toi, t'es comment par rapport à ça? Non, moi, je sais vraiment, de ce côté-là, c'est pas. Je préfère faire attention au physique et pas se blesser inutilement pour pouvoir retenter l'année d'après ou continuer à faire des choses que de finir à tout prix. C'est pas. D'ailleurs, j'ai fait le Templier, je sais plus quelle année. J'étais inscrit au 100 et j'avais gagné un dossard par Polar sur le marathon le lendemain, le dimanche. Et bon, du coup, j'étais parti pour le week-end pour faire les deux. Et j'ai pas fini le 100. J'ai été arrêté au 90e kilomètre sur 100. Donc tu vois un peu. Mais en fait, c'était après 80, entre 80 et 90, je descendais tranquillement pour passer les 90. Il y avait une barrière horaire à 90, mais j'étais assez serein, ça allait. Mais je me suis retrouvé à croiser un autre trailer qui, sur le coup, je n'ai pas fait attention, je l'ai passé, mais en courant. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il perdait la boule. Je pense qu'il était complètement HS, vraiment HS. Du coup, je me suis arrêté et je suis resté avec lui jusqu'au 90e kilomètre parce que je sentais qu'il allait pas, qu'il pouvait se faire mal, vraiment qu'il pouvait vraiment se faire mal. Donc du coup, bon, je suis arrivé au 90, mon barrière horaire dépassée, bah, tant pis, c'est pas grave. Au moins le mec était sain et sauf. Bon, je pense pas qu'il allait avoir beaucoup de... Il n'était pas vraiment en danger mortel, mais on ne sait jamais. Et du coup, bah, le lendemain, je suis reparti faire le marathon des courses et je l'ai fini. Bon, j'ai fini avec deux tendinites, un de chaque côté, c'était pas du TFL, c'était pas cool, mais du coup, bon, c'était pas très grave, quoi. Ok. Et alors, tu as pas mal évoqué ta coach jusqu'à présent. Est-ce que ça te motive particulièrement d'avoir une coach? Est-ce que tu as besoin d'être cadré comme ça pour préparer tes entraînements, définir tes objectifs? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pratique sportive d'avoir une coach? Et ben, de la sérénité, parce que du coup, j'ai pas besoin de réfléchir à quel entraînement je vais faire, même côté préparation physique, est-ce qu'elle va adapter par rapport à l'événement que je vais lui dire que je vais faire. Elle va adapter l'entraînement physique, elle va adapter les entraînements de course à pied ou de vélo ou des trucs comme ça. Et en plus, ben, je pense que quand on a tendance à le faire tout seul. On a tendance à répéter à peu près les mêmes entraînements et pas à surprendre le corps. Et si on veut s'améliorer un peu, si on veut s'améliorer plus rapidement ou plus, il faut surprendre le corps et pas toujours se mettre dans les routines, même si on va faire du fractio, et on va généralement faire le même fractio à peu près au même moment et dans la semaine, tout ça. Alors qu'elle, elle me faisait des fractions de 30-30. Après, la semaine d'après, ça allait être des 200 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Enfin, elle changeait tout le temps, ce qui fait qu'il n'y avait pas de routine. Il n'y a pas de routine et tout ça. Et c'est surtout qu'à la base, donc, comme je te disais, quand j'ai signé, entre guillemets, pour le Marathon des Sables, je ne faisais pas beaucoup de course à pied. Et j'ai commencé à m'entraîner tout seul. Et on a rencontré Elsa par rapport à ma femme, elle avait des problèmes de dos. On l'a rencontrée comme ça surtout par rapport à ma femme pour qu'elle s'occupe de ses entraînements très spécifiques parce qu'elle avait des gros problèmes de dos. Et du coup, je lui ai dit en même temps, bah, si ça te dit, si ça te dit de m'entraîner pour le marathon des Sables. Et la première chose qu'elle a fait, elle m'a demandé mes entraînements et elle m'a dit, bah, tu t'arrêtes 15 jours là. Non, parce que tu es en surentraînement. Du coup, je m'entraînais déjà mal, quoi. Bon, après, je débutais tout ça. Là, maintenant, je pourrais un peu mieux gérer l'affaire parce que du coup, bon, ça fait presque 10 ans que je fais des entraînements avec elle, donc je vois à peu près ce qu'il faut faire. Mais je pense que pour les débutants, c'est vraiment important d'être suivi pour pas faire n'importe quoi, pour pas se blesser tout simplement plus rapidement. Après, bon, c'est mon avis. Hein, Je pense que notamment en vieillissant, moi-même je ne suis plus tout jeune, on a un petit peu moins le goût du sang, entre guillemets, ou en tout cas, enfin voilà, moi quand j'avais 30-35 ans, j'hésitais pas à aller faire des séances vraiment dures sur le stade, à me mettre dans le rouge sur des fractionnés, etc. Et aujourd'hui, j'ai plus tendance à faire les entraînements pas forcément cool, où je vais aller un peu vite, mais sans aller jusqu'à ces extrêmes, entre guillemets. Et le fait de s'entraîner seul apporte un petit peu ce confort, je pense, alors que d'être soit en groupe, en club ou avec un coach peut effectivement t'aider à aller au-delà, et c'est ça qui fait progresser, enfin, pas forcément malheureusement, mais la physiologie est ainsi faite, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Comment est-ce que ta famille, ton épouse, tes proches, tes collègues, peut-être perçoivent ta pratique et notamment ces épreuves un petit peu extrêmes qu'on peut qualifier d'extrêmes, même si ça rentre de plus en plus dans le grand public, puisqu'aujourd'hui, l'équipe, par exemple, parle de Mathieu Blanchard, de la Barclay, de toutes ces épreuves un peu hors normes. Eh ben, pour la plupart, je suis un fou. Et encore plus depuis que j'ai été opéré. La plupart de mes collègues me disent, mais tu vas courir là, tes deux prothèses. Ben, ouais, c'est. Oui. Le doc, il m'a dit que je pouvais. Il n'y a pas de raison. Mais oui, c'est le terme, le fou, en fait. Hein, et après, j'ai emmené un pote à moi, c'est mon ancien chef. Qui pareil me traitait de fou et puis petit à petit il est venu courir avec moi, il a fait des entraînements avec moi et puis bah, il a fait la diagonale des fous avec son frère, il a fait plein d'autres, il en a fait 3 ou 4 comme ça. Et finalement après il me dit mais non en fait t'es pas si fou que ça, bah, c'est ce que je t'avais dit, mais il faut le vivre pour le ressentir en fait, faut le ressentir. Ouais, c'est clair, en effet. Et est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui t'inspirent particulièrement dans notre sport ou dans d'autres sports d'ailleurs, qui te donnent envie, voilà, de dépasser, d'aller plus loin? Ben, je suis pas très groupie, on va dire, mais bon, je suis particulièrement Kylian Jornet, forcément c'est ma référence, mais sans, enfin référence, pas référence parce qu'il est un peu hors norme, mais j'aime bien aussi Mathieu Blanchard qui est assez simple dans ses propos et dans son être, même si il utilise bien les réseaux sociaux, ça c'est un peu plus bon, c'est pas de notre époque, on va dire. Mais oui, non, c'est pas. J'aime bien ceux qui se dépassent, comme je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a fini la Barclay l'année dernière, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tu vois, j'ai plein de. Jasmine Paris, ouais. Voilà, Jasmine. J'aime bien toutes ces personnes un peu hors normes qui se dépassent elles-mêmes sans forcément avoir le but d'écraser les autres, quoi. Enfin, je les ressens comme ça. Hein. C'est dans le trail pour le moment, en tout cas, c'est ça. Il me semble que tu es assez technophile, on s'est un petit peu côtoyé, tu aimes les beaux objets, la techno, enfin peut-être une déformation aussi de ton métier, le beau matériel, etc. Donc tu suis ta pratique sur Strava. Est-ce que tu es gadget, techno, montre GPS, etc., les textiles actuels, les plaques de carbone dans les shoes, tout ça? Alors, plaque de carbone dans les choses et textile, tout ça, pas trop. D'ailleurs, j'ai des potes qui se foutent de ma figure parce que j'ai des vieux t-shirts Décathlon et des shorts Décathlon pour courir et tout ça. Par contre, oui, j'ai ma montre, je l'ai toujours avec moi, je la lance tout le temps, dès que même je fais des. Je retourne au boulot à pied là depuis que je peux, et même pour faire l'aller-retour rando taf, ça se retrouve sur Strava, quoi. Pour la Laponie, bah, j'ai commandé un petit drone pour pouvoir faire des films pendant qu'on courait et tout. Donc oui, je suis assez technophile de ce côté-là, assez gadget. J'aime bien, ouais. J'aime bien Et la photo aussi, du coup. c'est ça, j'allais dire, tu es aussi fan de photos. Tu as eu l'occasion de venir faire de la photo sur le Marathon des Sables, mais aussi sur d'autres épreuves, il me semble. Cette alliance photographie et sport, comment tu la vois? Qu'est-ce qui te motive particulièrement dans le fait d'immortaliser ces corps en mouvement, ces gens qui sourient ou qui souffrent, ça dépend. C'est la beauté du sport. En fait, je me rappelle d'une photo que j'ai prise aux Templiers. Donc, je courais les Templiers, je courais les 100 km, je le courais avec mon XT1 à l'époque sur le sac à dos. Et j'ai passé beaucoup de temps à prendre des photos pendant l'épreuve. Et c'est de voir l'immensité du paysage avec le petit trailer au milieu qui est là, qui est pas écrasé par la, mais qui fait partie d'un ensemble, qui fait partie d'un tout. Parce que la plupart des photos que je vois des épreuves, c'est plutôt concentré sur l'homme et le dépassement, et pas l'ensemble du paysage avec l'homme qui fait partie, mais en fait c'est qu'un petit tout, c'est qu'une petite partie du tout, quoi. Il y a Franck Audoux que tu connais, que tu as côtoyé, qui est un photographe de trail, mais pas que, depuis des dizaines d'années, de ski, etc. Et qui est photographe officiel sur l'UTMB, qui a été photographe officiel sur le MDS, qui a cette capacité à mettre en rapport justement les humains minuscules dans des paysages qui sont absolument grandioses et fabuleux. Et c'est vrai que ce sont des photos qui sont plutôt originales, qu'on voit pas souvent. Ouais, tu as Ouais, raison. c'est ça. J'adore ce que fait Franck. Je suis un de ses fans d'ailleurs. J'adore ce qu'il fait. C'est excellent. C'est vraiment fort. Et du coup, bah, le marathon des Sables, c'est pareil. Je suis parti avec mon XT1 accroché au sac à dos et j'ai fait les 260 bornes avec mon appareil photo, faire des photos de temps en temps, régulièrement. Même pendant l'effort, même quand j'étais malade, parce que j'étais malade sur les 6 jours, j'étais malade 3 jours quand même. Mais je sais pas, j'aime bien. Est-ce qu'il y a Après, un de tes clichés que tu as vraiment en mémoire où tu te dis là ça représente vraiment ce qu'on vit? eh ben, j'en ai un, bah, c'est lié au Marathon des Sables. Hein. Je l'ai imprimé d'ailleurs, il est dans mon bureau. Enfin, je la réimprime parce qu'elle est un peu abîmée maintenant depuis le temps, mais. C'est alors je sais plus où c'est exactement, mais il y a on voit un concurrent du Marathon des Sables avec son dossard à l'arrière, et il y a une grande vallée devant lui, mais une très grande vallée qui remonte tout en haut, et on le voit pas sur l'écran, mais quand je l'ai imprimé en A3, je crois, il y a trois. Et quand on regarde, on voit tout au loin des tout petits concurrents qui sont très très très très loin, avec une luminosité qui est monstrueuse. Ouais, c'est encore le Marathon des Sables, mais c'est une de mes photos préférées. Ouais, on s'imagine la petitesse de l'humain et puis C'est l'immensité de la ça. tâche à accomplir. C'est ça. On se rend compte que le chemin est super long. Et puis en plus, le mec est posé comme ça, en train d'admirer le paysage. C'est une de mes préférées. Eh bien, on a vu tout se passer. Si on se projette dans l'avenir, est-ce qu'il y a des épreuves qui te font rêver aujourd'hui, peut-être de retourner effectivement en Suède pour passer à l'étape supérieure. Eh ben, c'est l'idée, ouais. Donc, pour l'explication, c'est justement donc en 2016, après le Marathon des Sables, j'avais dit à ma coach, eh ben viens, on le fait tous les deux, ça peut être sympa et tout, tu verras, c'est cool. Et elle m'a dit non, non, il fait trop chaud. Alors du coup, ben, j'ai utilisé Google et puis j'ai cherché un ultra dans le froid. Et je suis tombé sur le Yukon, donc a fait Mathieu Blanchard. Et bon, c'est parti de là. Et du coup, j'ai toujours envie de faire au moins le 185, voire le 500, mais bon, là, c'est à voir, parce que c'est quand même c'est pas la même approche qu'un ultra classique, même par rapport au Marathon des Sables, parce que tu te retrouves quand même à avoir la poulka, les 35 kilos à tirer, c'est pas pareil. Mais ça me fait bien envie, ouais. Puis ça change du show. Il y a d'autres. Je pense que c'est plus difficile que le show par rapport aux engelures et tout ça, à la gestion du sommeil le soir, monter sa tente et tout ça. Bon, Laponie, normalement, il va pas faire moins 50 comme au Yukon, mais bon, il peut faire moins 30, moins 20. Et faut vraiment aller vite. Mais j'aimerais bien aussi refaire des courses dans le désert. Hein. Il y a la Grande Too Grande qui m'attire depuis longtemps, mais bon, États-Unis, et puis c'est super cher, faut y aller. Bon, c'est très très cher en budget. Sinon, des petites courses comme la RDM en fin d'année dans le désert, c'est que Philippe a fait d'ailleurs. Qui peut être sympa. Okay. Et comment tu te vois dans dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors en tant que sportif, hein, par rapport effectivement à tes hanches, à ton passé, à ses envies, ses objectifs, toujours bon pied, bon œil, en train de parcourir des épreuves un peu fantastiques à droite, à gauche? Ben, j'espère en tout cas, oui. Après, il y aura sûrement moins d'épreuves dans l'année. Et même maintenant, en fait, j'ai plus envie de faire des épreuves un peu sur le côté, un peu moins connu, un peu moins médiatisé, un peu moins de monde surtout. Et déjà, les derniers temps, je faisais beaucoup de off. Il y a un truc que j'ai tracé sur Trace de Trail, par exemple, c'est j'ai un appartement à la Joue du Loup, donc c'est dans l'Évoluy, au-dessus de Gap. Et l'idée, ce serait de partir de chez moi en courant et d'aller là-haut. Donc il y a 330 km des brouettes. Donc ça, c'est un petit truc qui me dirait de faire. J'ai déjà fait en vélo il y a 2 3 ans, et en 3 jours, 2 jours et demi. Et c'était très sympa tout seul. C'est un peu. Faudrait que j'embarque quelqu'un parce que tout seul, c'est long, mais à plusieurs, ça peut être un truc sympa à faire. Effectivement, les défis personnels, les off, alors je suis bien placé pour en parler Ouais. puisque j'essaye d'en organiser régulièrement tous les ans. D'ailleurs, cette année, mi-août, le 15 août, 16 août, Ironman off, hein, vous êtes les bienvenus. C'est quelque chose de très particulier. On partage plus que pendant les épreuves, puisque pendant les épreuves, chacun a son rythme et ben voilà, ça se fait et se défait au fil de la course que là, sur des off, ben, le principe est de rester ensemble, de partager une journée, un parcours, des endroits magnifiques, des difficultés aussi. Et c'est vrai que ça ajoute une couche amicale, si on peut dire, à l'aspect sportif. Ouais, c'est ça. Très bien, bah écoute, on arrive vers la fin de notre petite discussion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, lancer un petit mot, que ce soit par rapport à ton opération ou autre chose? N'hésite pas. Ben, côté sport, ce que je peux dire, c'est que c'est juste l'envie qui peut. Si on a envie, on n'a pas de limite et que, y a toujours des mauvais moments à passer, mais que la vie est quand même intéressante. Il y a plein de choses à voir, même si c'est qu'en France, il y a plein d'endroits où on peut aller courir, faire du vélo, faire de la natation et tout ce qui s'ensuit pour découvrir des paysages magnifiques. Eh oui, profitons de notre cœur, nos poumons et nos jambes. C'est ça, tant qu'on peut. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Stéphane. Et puis, tu nous donneras des nouvelles pour le nommage de tes deux hanches. Ça marche. À bientôt. À bientôt.